La veille, ils étaient restés 10 heures à négocier jusqu'au bout de la nuit. Cette fois, la réunion entre la ministre des Outre-mer et les collectifs n'a duré qu'un petit quart d'heure et s'est achevée par un constat de désaccord. Donc, à exiger 1,5 milliard de prêts. Pour les protestataires, le plan d'un milliard présenté par le gouvernement n'est pas suffisant. Si des efforts ont été soulignés dans les secteurs économiques et sécuritaires, ils réclament des avancées supplémentaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a 1,85 milliard de proposés sur 10 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait 100 millions par an. Je ne sais pas si sur 10 ans, c'est un entrée de l'urgence, là, je crois pas. La ministre a pris acte du désaccord, assurant pour sa part être allée au bout du chemin. Si nous n'actons pas ça, nous allons complètement perdre cette mobilisation guyanaise. Dans un communiqué, elle a détaillé le projet d'accord soumis par l'État, incluant un plan d'urgence, des avancées thématiques, mais aussi un pacte d'avenir pour le département. Ce document n'a pas été signé, la grève et les blocages se poursuivent. Les syndicats ont appelé à une journée morte ce lundi et à une grande marche demain vers Kourou.